franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Jacqueline Baudrier. Jacques Chancel. Mon invité aujourd'hui, en ce 6 janvier 1976, Jacqueline Baudrier, présidente de Radio France. Il y a un an, vous avez pris le gouvernail de ce vaisseau appelé Radio France, et auparavant, le petit écran, vous avez occupé et appelé, et plus précisément la première chaîne. Alors, 365 jours après, avez-vous réussi, Jacqueline Baudrier, à oublier tout à fait la télévision ? On n'oublie jamais tout à fait ce qu'on a aimé, mais je suis tellement occupée et d'une manière passionnante avec Radio France que je n'ai plus de regrets. En fait, on vous a confisqué un beau jouet. On m'en a donné un autre. Ce n'est pas un jouet, c'est un instrument lourd, important, riche de responsabilités, impressionnant par ses responsabilités précisément. Radio France, c'est un vaisseau, avez-vous dit, à 5 mâts. Une fusée, plus exactement, parce que c'est un instrument très moderne de communication. Difficile à mener ? Très difficile à mener. D'abord parce que la radio est prise dans une compétition très dure avec la télévision. La deuxième chaîne vient d'annoncer qu'elle a l'intention de faire un journal le matin. Ça vous gêne ? Ça nous rend très attentifs, n'est-ce pas ? Ce n'est pas d'ailleurs tellement imprévisible. C'est inscrit dans la force des choses, dans le courant de l'histoire. Vous avez dit, lorsque vous étiez à la télévision, qu'il fallait 2 ans pour faire de bons programmes. Donc vous n'êtes pas tout à fait satisfaite de ce qui se fait ici à Radio France. On pourra en parler d'une manière plus précise le 6 janvier 1977. À ce moment-là, il y aura 2 ans. Oui, mais télévision et radio ne sont pas les mêmes instruments. On travaille plus vite à la radio, l'instrument est plus léger. À la télévision, faire des dramatiques, des séries, c'est long. C'est beaucoup plus long que de composer des émissions de radio. Avez-vous l'impression, Jacqueline Baudrier, d'avoir été inventée pour ce métier ? Vous auriez pu réussir de la même manière dans une autre profession ? C'est difficile à dire, mais je crois que je suis bien faite pour ce métier, en effet. J'ai toujours souhaité le faire, je me suis toujours sentie bien dans ce métier. C'est un métier à découvrir, l'audiovisuel. C'était quand même une technique relativement neuve, qui apporte beaucoup à ceux qui la pratiquent, et j'espère à ceux à qui elle est destinée. Si vous êtes arrivée si haut, c'est parce que vous aviez de l'ambition ? Tout dépend ce qu'on entend par ambition. Moi, je trouve qu'avoir de l'ambition, c'est noble, c'est chercher à se dépasser soi-même, c'est chercher à mieux faire. Dans cette définition-là, oui, j'ai de l'ambition. Le poste que vous occupez en ce moment est-il le sommet de ce qu'on pourrait appeler votre ambition ? Mais ambition n'a rien de péjoratif. Non, mais je ne vois pas les choses dans ce sens-là. Je vois, comme je vous le disais, l'intérêt qu'on peut porter au métier qu'on exerce. Est-ce qu'il y a un sommet ? Le sommet, c'est l'intérêt, c'est la passion. Est-ce le sommet pour vous ? Dans l'organisation actuelle, je pense que c'est le sommet de la maison, dans les responsabilités, dans les charges aussi. Mais lorsqu'on parle, par exemple, de remaniement ministériel, vous rêvez d'un fauteuil ? Non. C'est très franchement ? Très franchement. J'ai une vocation. On vous l'a déjà proposé une fois ? Non, pas du tout. Si on vous l'offrait, vous diriez non ? Je n'ai jamais tellement réfléchi au problème. Je préfère faire le métier que je connais bien. Vous savez, je crois qu'on est plus utile dans ce qu'on sait faire que dans ce qu'on a à imaginer de nouveau. Et puis la politique, c'est un autre métier. Vous savez faire ce métier, celui de la politique ? Ah non, pas du tout. Vous avez quand même des penchants en politique. Heureusement, en tant que citoyen, je les exprime quand je suis devant l'urne. Dans l'isoloir. Cela peut être difficile car vous êtes conduite à faire des choix. Vous savez, quand on a des responsabilités, même quand on est journaliste dans une société comme la nôtre, à la radio ou à la télévision, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des auditeurs ou à des téléspectateurs qui ont toutes les opinions, on n'a pas le droit d'en avoir soi-même. C'est-à-dire qu'on doit veiller à ce que toutes les opinions puissent s'exprimer équitablement à l'antenne. Essayez-vous de faire un juste équilibre entre la majorité et l'opposition ? Naturellement. Si on ne faisait pas un juste équilibre, on serait vraiment en infraction avec l'honnêteté d'abord et avec la mission qui nous est confiée. Et pourtant, vous n'avez pas été désigné par l'opposition. L'opposition aurait bien du mal à désigner qui que ce soit, puisque pour le moment, elle n'est pas au pouvoir. Donc vous n'avez plus de tendresse pour la majorité. Mais pourquoi ? Et dans la majorité, il y a encore des choix à faire. Vous avez le président de la République, oui, Giscard d'Estaing. C'est très compliqué, les questions alors, que vous me posez, là. Vous pourriez être pour Poniatowski, ce serait donc les Républicains indépendants, ou pour Jacques Chirac, ce Mais serait l'UDR. Personne... Vous avez une carte de parti, d'abord ? Non, jamais je n'ai eu de carte de parti. Non. Mais de toute façon, personne ne me demande d'avoir de tendresse pour qui que ce soit. On me demande de bien faire mon métier avec rectitude. On vous fait des reproches parfois ? Écoutez, non. Non. Je pense que l'information à Radio France est une information ouverte, pluraliste, équilibrée. S'il y a des reproches, il y a également tout un processus. N'est-ce pas ? Le droit de réponse existe et nous l'accordons quand il est justifié. Si vous étiez un homme, Jacqueline Baudrier, vous vous conduiriez différemment à la place que vous occupez ? Comment le savoir, puisque... Vous y avez pensé ? Oui, je crois quand même que la manière d'exercer des responsabilités est différente selon qu'on est un homme ou une femme, selon qu'on est soi d'abord. Je ne sais pas s'il faut faire ce clivage homme-femme. Cela dépend de votre personnalité profonde. Mais d'autres l'ont fait, puisqu'il y a eu l'année de la femme. Le clivage ? Oui, mais je crois que l'année de la femme a été utile, voyez-vous. On en a beaucoup ri, on a tort. Parce qu'on a parlé de problèmes qui étaient peu connus ou mal connus de l'ensemble de l'opinion. Et là, l'audiovisuel est extrêmement utile pour amplifier un mouvement comme celui de la condition féminine, des changements de la condition féminine, qui, pour moi, est un des phénomènes les plus révolutionnaires de notre époque. C'est une époque extraordinaire. Les grands phénomènes sont nombreux, n'est-ce pas ? L'ère cosmique, l'ère atomique, la libération de la femme. Mais êtes-vous étonné par ce que vous êtes devenu ? Non. Non, ça a suivi un cours. Mais vous êtes encore capable de vous étonner ? Moi-même ? Oh, je sais pas. Je ne Parce que si vous me dites « je ne suis pas étonné », je suis en droit de penser que c'est naturel, ce qui vous est arrivé. Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas naturel ? Vous non, aviez été inventée pour ce poste, oh, enfin, pour non, ses fonctions, je suis pas pour aussi, ses honneurs. Aussi prétentieuse. Non, j'en vois plus la difficulté, les responsabilités que les honneurs. C'est très lourd, c'est souvent des sacrifices, des choix. La qualité de la vie, vous y tenez à la qualité de la vie ? Moi aussi, mais je dois dire qu'elle a peu de place dans ma vie actuellement. Vous êtes différente d'autrefois ? Oui, parce que l'expérience enrichit un être. Mais est-ce qu'on change fondamentalement ? Ça, c'est une question que je me pose souvent. Je ne crois pas. Je crois que le fond de la nature, ce qui est important, vous, ce qui fait votre personnalité, on l'a en naissant. On peut heureusement l'améliorer. Mais je crois que vous consacrez plus de temps à votre travail qu'à votre famille. Est-ce naturel ? Écoutez, si je disais le contraire, personne ne me croirait. Si je vous posais la même question, je pense que vous me feriez une réponse identique. À partir du moment où on a un travail qui est très prenant, automatiquement, on lui consacre du temps. D'autres femmes vous ont précédé à des postes très importants. Je pense à Simone Veil, je pense à Françoise Giroud. En êtes-vous agacée et peut-être même jalouse ? Ah non, pas du tout. J'en suis heureuse, au contraire. Je tiens beaucoup à ce que, personnellement, les femmes prennent place dans la vie professionnelle, économique, politique. Il me semble que c'est utile à la collectivité dans son ensemble. Parce que l'équilibre homme-femme est nécessaire, vital, comme dans la famille. Je pense qu'il n'y a pas assez de femmes, justement, dans des postes de responsabilité. Parce qu'on dit beaucoup, les femmes travaillent maintenant, mais c'est complètement faux. En 1900, les femmes travaillaient autant que maintenant. Seulement, elles étaient cantonnées à des emplois subalternes. On trouvait ça tout naturel, d'ailleurs. On ne venait pas dire que l'ouvrière d'usine, et qui travaillait beaucoup plus d'heures que maintenant, avait un problème avec ses bébés en bas âge, n'est-ce pas ? Et elle les avait, ces problèmes, d'une façon encore beaucoup plus aiguë, beaucoup plus dramatique que maintenant. bien que je ne minimise pas les problèmes que les jeunes femmes qui travaillent rencontrent. C'est un, justement des problèmes qu'il faudra arriver à régler par des décisions sociales qu'on est en train de prendre, que l'année de la femme, justement, permettra certainement de prendre. À compétence égale, salaire égal. À compétence égale, chances égales. Chances égales. Oui, ça me paraît une bonne devise. C'est la mienne, en tout cas, en matière de féminisme. Mais ce que je trouve difficile encore, c'est précisément cela, c'est que les femmes n'ont pas tout à fait les mêmes chances dans la vie professionnelle, parce qu'évidemment, elles ont leurs enfants. Et que de ce fait, quand elles travaillent, le problème se pose. Seriez-vous un peu féministe ? Oui, dans la mesure que je viens de vous décrire, sans trop d'agressivité, mais quand même avec un sentiment que la justice doit être faite. Justement, Jacqueline Bordier, êtes-vous capable d'agressivité ? Pouvez-vous être méchante ? Bon, méchante, je ne crois pas tellement que ce soit dans mon tempérament, mais combative, oui. Vous ne pardonnez jamais ? Oh si, mais en amitié, c'est plus difficile. Il peut m'arriver d'être blessée en amitié, de ne pas pouvoir oublier. C'est de la rancune ? Parce que ça, ce sont... Non, c'est simplement de la déception. Vous faites Parce qu'il faut être exigeant en amitié. Il faut être exigeant en tout. En tout, oui, mais particulièrement en amitié. Vous faites une certaine idée de vous-même, une certaine idée de la chaîne que vous dirigez, des postes que vous avez, et je crois savoir que vous aimez les coups. Il y a eu l'année de la femme, il y a eu le jour du troisième âge. Ah oui. Vous portez beaucoup d'intérêt à toutes ces choses qui font parler de ce que vous faites. À la promotion de Radio France, parce que la société a besoin d'être connue. C'est une jeune société, elle a un an aujourd'hui. Et elle est prise dans cette compétition que nous évoquions tout à l'heure, avec les autres radios, avec la télévision. Il est beaucoup plus facile de faire parler de la télévision dans la presse que de la radio. Enfin, vous êtes installée maintenant dans l'horizon de l'immense bureau présidentiel. Alors, êtes-vous encore une journaliste ? Oui, bien sûr. On ne peut pas abandonner ce qu'on est foncièrement. Je crois que c'est bien, d'ailleurs, de rester journaliste pour s'occuper de la radio ou de la télévision. Vous ne vous ennuyez pas ? Oh, jamais ! Comment pourrais-je m'ennuyer avec tous les problèmes qui se posent, avec tous les combats qu'il faut mener, avec l'avenir à envisager, à imaginer ? Je crois que c'est ce qui est le plus important pour la radio actuellement, c'est de se préoccuper de son avenir. À quelle femme voudriez-vous donner leur chance ? Vous avez essayé de trouver de jeunes talents, de découvrir, de lancer ? Oui, mais on n'essaie pas seulement, toujours. Je me suis personnellement beaucoup intéressée aux jeunes journalistes, mais pas particulièrement aux femmes, parce qu'il ne faut pas faire non plus de la discrimination à l'envers, n'est-ce pas ? J'aime mieux un bon journaliste masculin qu'un mauvais journaliste féminin, qu'une mauvaise journaliste femme, si vous préférez. Et le contraire est aussi vrai. Je trouve que tout manichéisme en la matière est stupide. Il vaut mieux un bon journaliste ou un bon professionnel de 50 ans qu'un mauvais de 20 ans. Et le contraire est aussi vrai. Vous faites facilement confiance aux gens ? Vous voulez tout régenter ? Oh non, je ne veux pas tout régenter. Je ne pourrais pas d'ailleurs. C'est trop vaste. Non, il y a une très grande décentralisation à Radio France. Vous avez des responsables de programmes qui ont chacun une personnalité différente. Le responsable de France Inter, Pierre Vigne, le responsable de France Culture, Yves Jégu, le responsable de France Musique, Pierre Voslinski, le responsable de l'information, Michel Péricard, le responsable de Radio France Internationale, Albert Écart. Je ne vais pas vous faire leur portrait à chacun, parce vous que ce serait trop long. Et Fip, je ne l'oublie pas. Mais quelle est la chaîne que vous préférez ? Codou et Gareto, que les auditeurs aiment tellement pour Fip, bien sûr, mais qu'ils connaissent encore mieux pour leur ayant coin. Quelle est la chaîne préférée au fond de votre cœur ? Ah, je n'en ai aucune, puisque c'est l'ensemble qui donne à Radio France sa personnalité. Chaque chaîne, chaque programme apporte précisément sa propre richesse. Oui, mais on a quand même une petite tendresse pour quelqu'un, toujours même dans une famille, lorsqu'il y a cinq Cela enfants, dépend des il y a moments. Toujours l'enfant que l'on préfère. Mais je suis exactement comme les auditeurs. Ces cinq programmes sont pour leur apporter ce qu'ils attendent à un moment donné. Vous êtes déjà un personnage politique, vous ne voulez pas leur dire. Âge, pardon. Vous êtes déjà un personnage politique, vous ne voulez pas dire où va votre choix. Parce que je n'en ai pas de préférence. Il y a des heures où j'ai envie d'entendre France Musique. Je dois dire que ces derniers mois, France Musique a occupé dans ma tête. Mais parce que France Musique a fait beaucoup de bruit. Une place considérable. Avec joie d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup la musique. Et que les responsables de France Musique sont des hommes extrêmement dynamiques et enthousiastes et passionnés et pleins de fougue. Ils ont tellement eu de fougue qu'ils ont fait une grande révolution. Et qu'évidemment, les auditeurs, certains auditeurs, pas tous, ont été surpris. Jacqueline Baudry, nous parlions tout à l'heure de la qualité de la vie. Quelle définition en donnez-vous? Il y a la qualité de la vie, puis la qualité, on peut dire que c'est la qualité des programmes à ce moment-là. La qualité de la vie, vous... En général, d'abord. Oui. Eh bien, je crois que c'est... d'être en accord avec soi-même, d'être bien dans sa peau. Et la qualité d'un programme ? C'est de répondre à ce que les auditeurs peuvent en attendre, et c'est bien là qu'est la difficulté, parce que nous n'avons pas un public, mais des publics. Or, élargir le public de France Musique, pourquoi ? Parce que toutes les enquêtes que nous pouvions avoir nous montraient qu'il y avait beaucoup d'auditeurs jeunes à la recherche de France Musique. 44% des auditeurs de France Musique en 1974 avaient moins de 35 ans. Une enquête beaucoup plus récente, au moment de nos nouveaux programmes, a montré que les 12-20 ans, qui sont 7 500 000 en France, écoutaient dans la proportion de 15% France Musique au moins une ou deux fois par semaine, ce qui fait encore la moitié du public de France Musique. Et quand on sait ce que les JMF ont apporté à la découverte et à la connaissance de la musique en France, je ne pense pas qu'on puisse négliger ce public-là. Vous me direz, mais pourquoi pensez-vous que ce public-là aime seulement la musique contemporaine ? Je sais bien que c'est faux, d'ailleurs. Les jeunes sont très éclectiques dans leur goût. Ils aiment autant les chefs-d'œuvre consacrés, de la musique ancienne jusqu'à la musique du début du XXe siècle, que découvrir des musiques autres. On leur a fait ce... comment dirais-je ? On les a aidés dans cette découverte. Vous alliez dire ce cadeau. Oui. Vous n'avez pas osé dire ce cadeau. Non, je n'ai pas osé parce que j'ai pensé que certains auditeurs ressentaient ce cadeau précisément comme une offense personnelle. Mais France Musique ne peut pas être une sorte de fond sonore classique et tranquillisant. Ce n'est pas sa vocation, ce n'est pas le rôle d'une chaîne comme France Musique qui est une chaîne nationale. C'est bien dit dans notre cahier des charges, si nous avions la tentation, n'est-ce pas, très facile d'ailleurs, de faire une sorte de discothèque classique de France Musique, nous serions rappelés sévèrement à l'ordre par les musiciens contemporains, d'abord, en priorité, qui créent. Qui ont besoin de travailler. Mais ils ont envie qu'on entende leur création. Même sans penser à ces considérations qui sont importantes, que vous venez d'évoquer, quand on est un créateur, on veut que sa musique vive, n'est-ce pas ? Et pas seulement la musique européenne, mais je prêche un convaincu, parce que quand je regarde et j'écoute Grand Échiquier, je vois que l'éventail de votre horizon musical est très largement ouvert, et que cela ne provoque pas de critiques. Au contraire, on parle de la fraternité de Jacques Chancel et d'une véritable fête de la musique. C'est sur ces principes que le nouveau France Musique est construit. Je crois que ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que nous avons été très très attentifs à leur courrier. Il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'on a décidé cela et qu'on se tient à une politique très rigide. Non, la réforme du 4 octobre n'a jamais été coulée dans le bronze. On a déjà apporté quelques modifications. Mais la musique classique, c'est une chose qui doit être dite. La musique... des chefs-d'œuvre consacrés occupent 65% des 19 heures d'antenne, 70% des... Vous le voyez, sans le dire d'une manière très précise, Jacqueline Baudrier, vous avez quand même exprimé votre tendresse, vous avez parlé très longuement de France Musique, parce vous n'auriez France pas Musique parlé de la même manière difficulté. De France Culture, de France Inter. Mais bien sûr que si, voilà. Alors, il ne faut pas faire de jaloux, n'est-ce pas ? France Culture, pour reprendre votre ordre à vous, a fait une rénovation de ses programmes dans un style tout à fait différent. En avril, il y a déjà eu beaucoup de changements et d'autres modifications sont en train de se faire. Les changements ont un caractère très intéressant. Mais pensez-vous que ces chaînes sont inventées pour des publics privilégiés ? Non, pas du tout. Elles doivent intéresser tous les publics. Seulement, il faut les y faire venir, n'est-ce pas, à ces chaînes. Je pense qu'avec des programmes aussi variés et de qualité, parce que France Inter est une chaîne de qualité, on doit pouvoir donner satisfaction à un très grand nombre d'auditeurs, un maximum d'auditeurs. Il suffit de regarder souvent une journée de programme de France Culture, puisqu'on évoquait France Culture, pour se rendre compte de ce qu'on apporte, n'est-ce pas ? En particulier dans l'écriture par le son, dans la stéréophonie, les dramatiques qui sont composées par certains réalisateurs qui n'écrivent qu'avec le son. Et il est nécessaire de toute manière qu'on ait un atelier de recherche. Exactement. Et puis il n'y a pas que cela, il y a toute la création qui se fait, qui a ses lettres de noblesse sur France Culture comme elle les a sur France Musique. Mais Jacqueline Baudrier, vous avez toujours eu le besoin d'admirer. Vous avez eu des coups de foudre, il y a eu le général de Gaulle, il y a eu André Malraux. Je ne vois pas pour qui vous pourriez avoir un coup de foudre aujourd'hui. Mais ce ne sont pas des coups de foudre, je suis quelqu'un de très, très rationnel. Si, c'était des coups de foudre quand même. Vous étiez passionné d'aller interviewer, d'aller rencontrer ces gens-là. Oh, et vous le faisiez Malraux, vous-même. Interroger Malraux, c'est extrêmement intéressant. Il est difficile de faire marcher les hommes. Marcher, non pas dans le sens... je ne parle pas dans un sens militaire. Je crois que vous êtes au fond misogyne. Ah, pas du sans tout. En avoir pas l'air. Pas du tout, non. Vous avez été très impressionné par l'émission de Bernard Pivot, alors. Non, ah, j'ai trouvé très amusante, cette émission. Oui. Ouf, c'est fini, l'année de la femme. Ah oui, mais ça, c'était pour l'humour. Bernard Pivot en a beaucoup. En réalité, c'était très, très instructif. Pourquoi me dites-vous d'abord que je suis misogyne? D'abord, ce n'est pas vrai. Rien que dans vos questions, il y a comme ça... Je trouve que... un certain étonnement, une agressivité souriante. Comment parce faudrait-il parler... Parce que, dehors extrêmement amicaux, aimables, vous êtes un homme qui va dans les profondeurs des êtres, n'est-ce pas? C'est en cela que c'est une épreuve de passer à Radio-Scope. Alors comment faudrait-il parler à la présidente pour lui faire plaisir? Oh, mais vous me faites plaisir, parce que vous êtes sincère. Moi, j'aime les êtres authentiques. Lorsque, par exemple, il y a une photo de vous dans les journaux, vous gardez le journal et vous êtes contente? Ou bien vous la classez déjà comme si vous étiez désabusée, comme si tout cela était fini? Vous faites confiance à la presse? Mais bien entendu. Comment voulez-vous que je ne sois pas intéressée par la presse, puisque je suis moi-même journaliste? Je pense que la presse audiovisuelle a un très grand rôle dans les problèmes de mutation de notre société. Parce que ce n'est pas une petite affaire, n'est-ce pas, que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il y a un danger permanent, ce n'est pas la peine peut-être d'assombrir cette émission en disant que l'atome, on n'a plus peur, mais la guerre atomique est quand même là. Avec la prolifération des armes de petites dimensions, on peut penser que la guérilla atomique, l'équilibre de la terreur qu'on avait réalisé non sans peine, risque d'être rapidement compromis, puisque les réacteurs... les réacteurs civils produisent tant de matières fissiles que ce sera très facile d'avoir des petits engins atomiques, n'est-ce pas? Vous avez peur de l'avenir? Moi non, parce que j'ai tout à fait confiance dans les réactions de l'homme, mais je sais que l'avenir est dangereux et que justement la lucidité de chacun peut faire beaucoup pour éviter la catastrophe, parce que la catastrophe, elle est là, plus que jamais. Jamais une civilisation n'a quand même eu le pouvoir de faire sauter la planète. Et en même temps, il y a l'ère cosmique. Et on peut se demander si le fait qu'on aille dans l'espace maintenant n'est pas en prévision de ce qu'on est en train d'évoquer. Jacqueline Baudrier, imaginons que vous ne soyez plus présidente de Radio France, ce que je ne souhaite pas, que vous ne soyez plus présidente d'un organisme important, que vous ne soyez plus au sommet de ce que nous appelions tout à l'heure votre ambition. Pourriez-vous à ce moment-là mener une vie de femme, mais dégagée de toute responsabilité? Vous voyez, c'est bien là que vous êtes misogyne. Mais non, c'est un cas personnel. Je poserai la même question. C'est une vie sans responsabilité. Mais pas du tout. J'aurais posé la même question à un homme. Vous considérez comme une femme. Non, moi j'ai un métier, de toute façon. Si je ne suis plus présidente, ce qui arrivera certainement, je garde ma plume, je suis journaliste. J'aime écrire, j'aime les mots. Donc je pense que je continuerai à avoir une occupation intéressante. J'aime faire des émissions, et de radio et de télévision. Vous pourriez redevenir productrice. Mais pourquoi pas? C'est un beau métier, vous le faites. Et vous très très beau. Avec enthousiasme. Mais vous avez le goût des honneurs quand même. Non. Vous avez été... Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Parce que tout s'est très bien passé pour vous, Jacqueline Baudrier. Vous avez eu les postes les plus enviés, ceux que recherchent beaucoup d'hommes. Oui, mais moi, je ne les ai pas recherchés. C'est la différence. On vous les a donnés. C'est venu comme ça, pas tout simplement, parce qu'il y a peut-être eu facteur chance qui compte toujours, mais également une connaissance du métier, une quantité de travail importante. Vous me direz que certains travaillent beaucoup et n'arrivent pas à ces postes. Ben, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer davantage. C'est de la chance ou vous avez plus de talent que les autres? Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir plus de talent que d'autres, non. Ce n'est pas à moi de le dire, en tout cas. Le 6 janvier 1975, on vous a confié ce poste important. Nous sommes aujourd'hui à 17h36, le 6 janvier 1976, un an après. Êtes-vous contente de ce qui s'est passé ou êtes-vous déçue? Ah non, je suis contente. J'ai l'impression qu'un très grand travail a été fait, auquel presque chaque personne de Radio France s'est associée. J'espère que chacun s'est senti concerné. C'est très important que dans une entreprise, l'information circule. Personnellement, j'ai écrit 4 lettres depuis le début de Radio France à chaque femme, à chaque homme de la société. Vous me direz, c'est bien, mais c'est pas assez pour que l'information circule. C'est vrai, mais je crois que les responsables de programme, les directeurs de programme, dans leur secteur, font aussi ce travail d'information. Puis nous avons les contacts normaux avec les représentants du personnel. Il y a une réunion du comité d'entreprise une fois par mois. Ces instances sont élues, elles fonctionnent. Nous sommes arrivés à signer l'accord des conventions collectives, ce qui était extrêmement important pour l'avenir de la société. Et j'ai le sentiment qu'il faudra aller beaucoup plus loin dans ce sens du dialogue et de la concertation et de l'information. Parce qu'on ne fait bien un travail que quand on le situe dans un ensemble, n'est-ce pas? Les hommes ne sont pas des robots, ils ont besoin de savoir pourquoi on leur demande de faire telle ou telle chose. Surtout encore plus peut-être dans nos métiers, qui sont des métiers de création, des métiers de contact avec les auditeurs. Et je crois que ce qui est très positif, c'est que précisément les auditeurs réagissent. Ils écrivent, ils téléphonent, ils nous disent ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent. C'est ça. Jacqueline Baudrier, il y a 4 sociétés de programme. TF1 avec Jean Cazeneuve, Antenne 2 avec Marcel Julien, FR3 avec Claude Contamine. Pour lequel de ces présidents avez-vous le plus de tendresse? Oh, ben écoutez, ça je ne vous le dirai pas. C'est indiscret. À ce point-là? Oh oui. Mais vous avez des préférences? Ah oui. Parce que vous avez fait de la télévision, vous savez quelle est la chaîne que vous préférez. C'est Il y a vrai, de très bonnes chaînes étrangères, c'est cela, non? Mais on ne les reçoit pas à Paris. Alors c'est de la discrétion ou c'est plutôt respecter un certain rythme de pensée? C'est de la discussion. Et puis, que voulez-vous? Radio France travaille, a besoin des 3 sociétés de télévision. Ne voyez-vous pas que je vous dise que j'ai les plus mauvaises relations du monde avec Claude Contamine? Mais quelle répercussion est-ce que cela aurait? Ce n'est pas vrai, d'ailleurs. Oui, parce que vous devez en vouloir un peu à Claude Contamine. Il vous a volé les stations régionales. Écoutez, lui n'a rien volé du tout. C'est la loi qui lui a donné les stations régionales. Et il est certain que pour l'avenir de Radio France, c'est un handicap. Vous les voulez, ces stations régionales, soyez tout à fait franche. Écoutez, oui, j'aurais bien aimé que l'unité de la radio ne soit pas ainsi hypothéquée. Et que le législateur pense à l'avenir et se dise qu'en effet, la radio régionale fait partie de la radio. Actuellement, sur notre MF1 de France Inter, tout à l'heure, un auditeur de France Inter nous a d'ailleurs attaqué à ce sujet. Parce qu'il se trouve qu'ils n'aiment pas les émissions régionales. D'autres en ont besoin, n'est-ce pas? Elle est trop fort utile. Je crois qu'il faut qu'il y ait des émissions régionales. Mais cet auditeur est troublé dans son écoute de France Inter par le fait qu'il y a un décrochage de 2h30. Il est certain que si la radio formait un tout, on pourrait peut-être avoir une plus grande unité de programme. Comme je vous connais bien, comme je vous sais combative, un jour vous repartirez à l'attaque pour avoir ce matériel qui vous paraît nécessaire. Non, parce qu'on ne peut pas aller contre la loi. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit. En revanche, on peut évidemment, et c'est ce que nous faisons, s'intéresser au futur, c'est-à-dire... Vous croyez aux radios locales? Peut-être un jour, les radios locales. Et si elles se font, je pense que ce serait extrêmement grave pour Radio France de ne pas y participer. Aura-t-on une modulation de fréquence pour tous? Parce que vous savez, nous nous rétrécirions comme une peau de chagrin si nous ne participions pas aux radios locales. Elles auraient de l'audience. En Espagne, par exemple, les radios locales ont 60 à 70% de l'audience. Et l'Espagne n'est pas la seule à avoir des radios locales. Il y a 7000 radios locales aux États-Unis, mais c'est très différent, ce sont des radios commerciales. Je parlais de modulation de fréquence. Oui. Est-elle pour tous? Bien entendu, c'est le grand espoir de la radio, la modulation de fréquence. De plus en plus, l'éther est envahi par le nombre des émetteurs qui va en s'accroissant. La récente conférence de Genève a eu bien du mal à répartir les fréquences entre tous les demandeurs. Et on peut s'attendre à des perturbations, n'est-ce pas, surtout nocturnes, dans les ondes moyennes. Alors la modulation de fréquence, qui est d'ailleurs la perfection du son, est le véritable avenir de la radio. Nos trois grands réseaux, nos trois grandes stations sont diffusées sur modulation de fréquence. Avec ce problème du décrochage des émissions. Oui, mais certains n'arrivent plus à entendre les émissions. Ah non, parce que tous nos programmes sont donnés à la fois en modulation d'amplitude et en modulation de fréquence, à l'exception de France Musique, ce qui était déjà le cas avant la réforme des réseaux. Il nous faudrait un quatrième réseau de modulation de fréquence, ça voilà. C'est certain. C'est un problème L'aurez-vous. Que nous avons posé, écoutez, nous l'avons demandé, c'est un problème que nous posons à M. Autain, président TDF. Mais comme vous savez assister, vous l'aurez. Si c'est possible techniquement, oui, mais je crois que c'est possible techniquement. Il est une chaîne dont vous parlez peu, c'est Radio France Internationale, qui devrait d'ailleurs s'appeler La Voix de la France pour être en parallèle avec La Voix de l'Amérique. C'est vrai, mais c'est parce que nous n'avons pas encore eu le temps d'en parler, parce que Radio France Internationale est une chaîne extrêmement importante. C'est la dernière née, c'est une création de toute pièce que nous avons faite il n'y a même pas un an, le 21 janvier. Et nous sommes servis des émetteurs qui existaient, qui étaient à notre disposition, pour les orienter complètement vers l'Afrique, Madagascar et les îles de l'océan Indien. C'est-à-dire, nous touchons quel pays ? On peut arroser complètement l'Amérique avec Radio France Internationale. Ah, on pourrait, mais il faudrait que ces émetteurs fonctionnent 24 heures sur 24. Récemment, M. André Rossi a dit que nous ferions 6 heures, puisque nous fonctionnons 18 heures pour Radio France Internationale. C'est un problème de gouvernement. Sur le plan des crédits, bien sûr. Et puis on peut trouver que ces émissions qui marchent très bien sur l'Afrique, il y a eu 30 000 lettres en moins d'un an. C'est la première fois qu'il y a une station, une série 18 heures d'émissions en continuité, n'est-ce pas ? Dans l'histoire des ondes courtes, c'est la première fois. Et aucun autre pays ne le fait. Alors pour l'Afrique et la zone du monde qu'on vient de définir, c'est parfait. Mais ailleurs, on ne nous entend plus. Il n'y a plus de voix de la France, ni à l'Est, ni à l'Ouest. Vous pensez qu'on l'aura, cette voix de la France, bientôt ? Mais, comme vous l'avez dit vous-même, c'est une affaire de gouvernement. Le président de la République s'en préoccupe en personne et le Premier ministre a demandé un rapport. Monsieur Chirac a demandé un rapport à Monsieur Jean Darcy. Vous ne pensez pas, Jacqueline Baudry, que dans ces cas-là, lorsque un pays a une radio puissante, on pense à la Voix de l'Amérique, mais on peut penser à la Voix de la France, ou à la BBC également. La BBC a beaucoup plus de moyens que nous, et l'Allemagne fédérale également. Mais c'est également un véhicule, c'est presque de l'espionnage officiel. Oh, de l'espionnage, non. Disons des relations publiques. Et voilà, j'aime beaucoup mieux cela. C'est-à-dire qu'on fait connaître notre langue. Et on en a beaucoup besoin, vous savez, parce que le français, à l'étranger, est en perte de vitesse, c'est incontestable. Je suis quand même obligé, Jacqueline Baudry, de revenir à France Musique, qui est votre maison préférée. Non, je m'élève contre cela. Il n'y a pas de préférence. Bon, pardon. Enfin, il y a eu des articles, alors je lis... Il y a eu France Musique qui a fait des tempêtes, et en cela, il a occupé J'ai marqué un le temps pour dire « maison préférée hein. ». Oui, je ne savais pas quel terme employer. Bon, il y a eu « Arrêter le massacre », parce que, paraît-il, on diffusait des choses qui n'étaient pas passables. Ensuite, « La grande pitié de France Musique ». Vous, à ce moment-là, vous êtes parti pour la guerre. Ouais. « Pitié pour les vivants ». Ensuite, il y a eu cet article « Le génie se porte bien ». Et puis, il y a eu un article « Dissonance et bavardage ». Et je suis assez étonné que cet article ait été écrit, d'ailleurs, par Pierre Petit. Et là, je ne comprends plus, parce que c'est un compositeur. Et il devrait, au contraire, vous savez, les mélomanes, accorder de l'importance. Les mélomanes sont très passionnés. Je ne sais plus qui a dit... C'est bien, d'ailleurs, qu'ils soient passionnés. Ah, très bien. Oui, adoucissez les mœurs, mais on n'en a pas beaucoup la preuve actuellement. Mais avouez que tous ces bruits faits autour de France Musique ont dû résonner très agréablement à votre oreille. On en parle. On a gagné 200 000 auditeurs. Plutôt que l'indifférence. Ah oui, bien sûr. On a gagné 200 000 auditeurs avec nos nouveaux programmes. Y a-t-il chez vous une nécessité de déranger, de provoquer, de choquer même ? Non, pas du tout, mais il faut faire ce qu'il nous semble bien de faire. Ah, c'est bien d'avoir fait. On ne le fait pas légèrement, n'est-ce pas ? On le fait après avoir étudié le problème d'une manière très approfondie. Et je crois qu'il faut dire que nous donnons aux auditeurs de France Musique, s'ils ne jugent pas sur des petits morceaux de la chaîne, s'ils font une écoute attentive, ils se rendent compte que... Ils trouvent maintenant sur France Musique tout ce qu'ils peuvent chercher. Le soir en particulier, il y a des concerts de prestige, de très grande qualité, qui sont donnés avec les orchestres de Radio France. Et je trouve que nos orchestres, l'Orchestre National de France et les autres, ont fait preuve d'une extraordinaire vitalité, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'éclatement de l'ORTF avait, avec les mises en position spéciales, laissé vide pratiquement la moitié des pupitres de nos orchestres. Or, regardez quelle saison nous venons d'avoir sur ce plan-là, avec les plus grands noms, avec les plus grands chefs. Il suffit de regarder le programme de cette semaine, n'est-ce pas ? Demain, nous avons un concert avec un homme que vous admirez, que vous aimez, qui est Arthur Rubinstein. Nous allons, en direct, nous allons avoir la retransmission le 8 en différé du Festival de Graz, qui compte parmi les grandes manifestations d'art contemporain en Europe. La semaine Bach, en différé. Mais la semaine suivante, Rostropovitch va jouer avec l'Orchestre National de France. Vous ne parlez que des classiques, comme si vous n'osiez pas dire qu'il y avait en même temps d'autres musiques. Non, je vous parle de nos concerts. Et des bruits qui sont mal. De nos concerts du soir. Par exemple, des concerts de casseroles, enfin... C'est comme ça que vous traitez la musique. Ah non, pas du tout, mais à un certain moment, j'ai lu dans un article qu'il y avait eu un concert de casseroles. Oui, mais ce n'est pas tout à fait vrai d'abord, que ce soit des casseroles, c'est même complètement faux. Ensuite, je crois que, je vous l'ai dit, France Musique doit s'ouvrir à toutes les musiques, avec des proportions différentes, bien entendu. Mais comme nous réservons 65-70% à la musique consacrée, je ne vois pas quelle offense nous faisons aux traditionnalistes en donnant aussi une place à la musique qui, d'ailleurs, existait sur cette chaîne. C'est ça qui est le plus extraordinaire. C'est qu'il y avait une heure et demie. Car rien n'a changé, en fait. Ah si, parce que la proportion est plus forte et ces musiques-là sont diffusées... Une heure de plus. Quelquefois, oui, une heure et demie de plus par jour, n'est-ce pas ? Êtes-vous d'accord avec moi, Jacqueline Baudry, lorsque je dis que l'habitude devient rigueur et que l'audace est scandaleuse et que même elle peut paraître comme du désordre ? Mais elle est nécessaire. En ce qui concerne France Musique, oui, là, on vient d'en avoir mais la preuve. Louis Dandrel a eu raison. Il fallait avoir cette audace, quitte de même... De votre avis, il y a eu des choses qu'il fallait rectifier, des dosages, mais jamais on a prétendu que le premier jour, tout était parfait, n'est-ce pas ? Je vais vous dire quels sont mes deux sentiments, et je les ai bien notés. Le premier, c'est que nous avons peut-être en certaines occasions affaire à des auditeurs intolérants qui sont participants d'un club fermé, qui appartiennent à une sainte chapelle. Ce sont des auditeurs privilégiés qui sont amoureux d'une musique que d'ailleurs en d'autres temps ils auraient condamné. Ils auraient condamné Stravinsky par exemple. Et d'autre part, il peut y avoir également des responsables, vous, Louis Dandrel, qui pourrait... Pierre Wolzinski, mais c'est le patron, alors je l'évite un peu, qui pourrait sacrifier à la mode, à un courant, et qui sont heureux de provoquer. Et Wolzinski est heureux de provoquer, et il a raison. Mais il faut prendre les risques de cette provocation. Oui, mais je ne pense pas que ce soit de la provocation que de vouloir attirer à France Musique davantage d'auditeurs sans pour autant faire fuir les fidèles. J'ai fait un petit programme, enfin, nous en parlerons après. J'aimerais, et encore là... On va être attaqué de tous côtés parce qu'on va en passer à chaque fois 10 secondes. Je voudrais vous faire écouter quatre morceaux. Alors le premier, c'est de Senture. On va l'écouter tout de suite. Le deuxième, une grande voix, Billie Holiday. Troisième choix des variations sur la flûte enchantée de Beethoven. Rostropovitch. Avec Rostropovitch, mais... Faut pas couper. Et ensuite, quatrième choix, Duke Ellington. Quatre choix, je répète, Senture, Billie Holiday, Beethoven avec au violoncelle Rostropovitch et ensuite Duke Ellington. Alors ce programme... C'est le programme de France Musique. C'est le programme de Jacqueline Baudry et c'est vous qui avez fait ce programme. Oui, exactement. Et c'est un programme qui est à l'image de France Musique, à votre avis ? Oui, que j'ai puisé d'ailleurs dans le programme de France Musique dans les jours qui viennent. Mais je peux vous dire que c'est un programme à l'image de France Inter. Ah, c'est un non, programme éclectique, pas seulement, si, oui. Aussi, qui peut très bien coller oui, avec mais vous. Les proportions ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas ? La musique classique sur France Musique reste dominante. Et on alors, est là pour aider à les connaître. On dit souvent, Jacqueline Baudry, que la musique classique, c'est la beauté. Alors, quelle définition donnez-vous vous-même de la beauté ? Qu'est-ce que la beauté ? La beauté, c'est difficile. Ça dépend des êtres. Pour certains... Beauté pour les uns, oui, laideur pour les exactement. Autres. Exactement. Manichéisme total. Oui. Mais pour vous, mais je la crois beauté que... C'est ce que l'on aime, ce qui va directement au cœur, ce qui fait plaisir. Oui. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire... C'est une harmonie. Il ne faut pas donner aux auditeurs... C'est une harmonie avec sa propre personnalité. Ce qu'ils pourraient aimer. Il faut, je crois, les aider à découvrir des beautés qu'ils ignorent. À votre avis, au nom de quoi ? Au fond, ce qu'on veut faire, c'est le musée imaginaire de la musique. Et quel est votre musée imaginaire ? Le musée imaginaire de Jacqueline Baudrier ? Celui que vous venez de nous faire entendre. Vous l'avez choisi, oui. Oui. Alors, il y a une musique qui vient d'ailleurs. Mm-hmm. Il y a un chant qui peut être le chant de l'âme noire. Il y a le classique, oui. Beethoven. Et puis, il y a le jazz, Duke Ellington, mais qui est devenu un classique. Exactement. Lui-même. C'est en 1928 que les auditeurs écrivaient pour protester parce qu'on passait du jazz. Rappelez-vous ce que l'on disait. Vous étiez trop jeune. Sur Charles Trenet. Charles Trenet, c'était le fou chantant qui n'était pas admis à un certain moment. Maintenant, il est entré complètement dans l'habitude. Vous parlez tellement de France Musique que cette chaîne vous a causé quelques désagréments et beaucoup de bonheur. Et si vous ne parlez pas des autres de la même manière, c'est que les autres vous font plaisir. Nous étions dans l'actualité, oui. Je vous ai parlé un peu de France Culture. Quant à France Inter est sur une bonne lancée. France Inter remonte la pente alors que c'était très difficile, tout en faisant une radio de qualité. Remonte la pente qui avait été descendue au moment où la radio était plutôt muette, n'est-ce pas, dans les derniers mois de l'ORTF. Radio muette, c'est un peu comme un journal qui ne paraît plus. Et France Inter, en étant une radio différente, une radio de qualité, tient le coup. Et je pense que les auditeurs aiment ce qui est de qualité. Lorsque vous êtes chez vous, Jacqueline Baudrier, quelle chaîne écoutez-vous ? Ou alors regardez-vous la télévision ? Oui, bien sûr. Le soir, vous regardez la télévision ou vous écoutez Pas de panique ? Je rentre tard. À 20h30. Eh bien, dans mon bureau, je suis encore dans mon bureau au moment de Pas de panique. Mais je peux écouter aussi le concert de France Musique ou une émission qui commence sur France Culture. Vous savez, je fais tous les boutons. Au nom de quoi et sur quoi peut-on être d'accord lorsqu'on est une présidente comme vous l'êtes et lorsqu'on a les critiques que vous subissez ? Comme tout président d'ailleurs. Mais oui, mais la critique est enrichissante. On n'a pas du tout la prétention de tout savoir et de tout bien faire. Non, la critique ne me dérange pas, d'autant plus qu'il y a des bonnes critiques et des mauvaises critiques. Tout cela s'équilibre et des critiques, on tient compte. À votre avis, il faut suivre, il faut devancer ou il faut alors susciter l'événement ? Vous seriez plutôt pour le susciter. Pour le susciter, ah oui, ça fait partie du réflexe aussi. Vous ne serez jamais à la remorque de quelque chose ou de quelqu'un. Ben, je voudrais ne pas être à la remorque, parce qu'on est quand même là pour inventer quelque chose, pour essayer tout au moins. Quelles sont les vraies couleurs de Radio France ? Vous avez pensé à une couleur ? Là, je vois du bleu et du rouge. Ce sont vos couleurs ? C'était des couleurs très gaies. Nous sommes la seule société nationale. Parce que ça fait un peu bleu-blanc-rouge. Ah, c'est vrai, oui. Mais nous étions la société nationale de radio. Alors, ce n'est pas tout à fait les couleurs du drapeau, mais c'est un peu les couleurs de la France. Vous seriez tout à fait d'accord pour faire des concessions aux auditeurs ? Non. Jusqu'à présent, vous ne leur avez pas fait beaucoup. Des concessions, tout dépend ce qu'on appelle concession. Tenir compte de ce qu'ils disent quand il y a un véritable courant, certainement. Y réfléchir, enrichir notre propre doctrine de ce qu'ils souhaitent, cela va de soi, c'est pour eux que nous travaillons. Mais on ne peut pas pour cela se baser uniquement sur le courrier ou sur les lettres, il faut des études plus scientifiques. Jacqueline Baudrier, Radio France se remet en question. Et vous ? Oui, toujours. C'est difficile de se remettre en question ? Oh, il faut être lucide. C'est important, la lucidité. À quelle question ne trouvez-vous pas de réponse ? À la seule question qui compte. Vous me paraissez très sûr de vous. Ah, c'est vrai ? C'est peut-être un réflexe de timidité. Au fond de moi-même, je suis assez timide. À quelle question je ne trouve pas de réponse ? Oh, à beaucoup de questions, et surtout à la question essentielle, la seule qui compte. Pourquoi la condition humaine ? Où allons-nous ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Oui. Vous répondez, là ? Je réponds oui, quand même, je me connais un peu. Mais l'autre question, plus métaphysique, est... et sans réponse. Vous êtes connu, vous avez l'impression d'être de plus aimé, estimé, vous en avez besoin? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai le sentiment d'être aimé, estimé, je le crois. Et que j'en ai besoin, oui, cela aide à faire un travail comme celui-là. Bien, nous n'avons pas parlé encore des sondages, vous y êtes sensible? Je ne peux pas les négliger complètement, mais je ne peux pas dire que j'en fasse la boussole de notre action. L'audience n'est pas tout. La qualité me semble beaucoup plus importante. Quand il y avait eu la nouvelle loi, je m'étais, comme beaucoup d'autres professionnels d'ailleurs, inquiétée de cette course au sondage. Et je pense que la création d'une commission de la qualité, le fait que la qualité compte dans l'attribution des ressources aux sociétés de programmes avec un coefficient triple de celui de l'audience, est une bonne chose. Jacqueline Baudrier, il faut savoir raison garder. Alors, avez-vous fait des erreurs? Oh, sans doute. Lesquelles? Dans quel domaine? Dans le domaine audiovisuel? Dans tous les domaines, même dans votre domaine personnel. Oh, bien entendu. Qui ne fait pas d'erreurs? J'en ai fait comme tout le monde. J'en fais sûrement encore tous les jours. Jusqu'à quel moment saurez-vous vous interroger sur vous-même? Oh, jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier souffle. Ce sera vraiment le dernier souffle. Vous travaillerez jusqu'au dernier souffle. Est-ce que c'est un travail de s'interroger sur soi-même? Je crois que c'est inhérent à la raison d'être. Au fait d'être un homme, n'est-ce pas? C'est Pascal qui a dit « L'homme sait qu'il va mourir ». Merci Jacqueline Baudrier. C'était Radioscopie du 6 janvier 1976, dans laquelle Jacques Chancel recevait la présidente de Radio France, Jacqueline Baudrier. Une émission remontée par Stéphane Combe. Demain à 23h10, Radioscopie avec le champion olympique Alain Mimoun.